Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Treizième épisode. C'est mon deuxième hiver ici. Hiver de solitude. Hiver austère balayé par le vent. Heureusement, l'enfant est trop jeune pour souffrir, comme moi, du manque de livres, de conversations. Elle est heureuse et active. J'écris si lentement et avec tant de peine. Pierce Warden me dit un jour à propos de l'art d'écrire que la souffrance qui accompagne la création est uniquement due chez les artistes à la peur de la folie. Forcez-vous un peu la main et dites-vous que vous vous fichez éperdument de devenir fou. Vous verrez alors que cela viendra plus vite, que vous abattrez une barrière. Justine, Mélissa, Cléa, Nassim. Nous étions quelques-uns, si peu en vérité. Comment ai-je pu croire qu'on pouvait aisément disposer d'eux? Je m'étais donné pour tâche de les faire revivre par les mots, d'assigner à chacun sa position dans mon propre temps. Je ne voyais plus mes maîtresses ou mes amis comme des êtres vivants, mais comme des images issues de mon esprit. Ils n'étaient plus habitants d'Alexandrie et n'avaient d'autre demeure que l'amas de mes papiers qu'ils hantaient comme les personnages d'une tapisserie. Du poste d'observation privilégié que j'occupe dans cette île, je revois tout cela avec des yeux neufs. Tout se dédouble, les faits et les rêves s'intercalent. En retravaillant la réalité à la lumière de tout ce que je sais maintenant, je suis surpris de constater que mes sentiments eux-mêmes ont changé, qu'ils ont mûri et ont acquis plus de poids, plus de gravité. Ainsi, ce départ de Mélissa pour le sanatorium de Jérusalem, rendu possible grâce à la somme d'argent que Justine m'avait prêtée. J'ignorais alors que c'était Nassim qui avait voulu l'éloigner. Nassim, je ne vois pas pourquoi tu te tracasses pour la petite Mélissa. J'ai sondé Darley de toutes les manières possibles. Pour le complot, elle ignore tout. Et je suis sûre qu'elle non plus n'est au courant de rien. Mais qu'est-ce qui t'en rend si sûre? Écoute, ce n'est pas parce qu'elle était la maîtresse de Cohen qu'elle est automatiquement dans la confidence. Au fond, je ne sais pas. Mais Cohen était un imbécile et un vantard. Il savait beaucoup de choses. Si tu as peur d'elle, pourquoi ne la fais-tu pas disparaître? La faire quoi? Non. Comprends-moi bien, je veux seulement dire t'arranger pour l'éloigner d'ici. J'y pense depuis quelque temps. On pourrait invoquer ses problèmes de santé et offrir à Darley une somme d'argent. Je m'en charge. Ce que Justine et moi ignorions alors, c'était que Mélissa était enceinte des œuvres de Nassim. Il souhaitait qu'elle avorte, mais Balthazar ne put pratiquer l'intervention. Le cœur trop faible de Mélissa n'aurait pas résisté. Ce serait terriblement risqué. Ça pourrait la tuer. Balthazar, c'est une catastrophe. Elle mourra peut-être de toute façon. Dans son état, une grossesse pourrait... Nassim avait hoché la tête d'un mouvement brusque. Il avait pris son manteau et il était parti. Le jour du départ de Mélissa pour Jérusalem, alors que le taxi palpitait et piaffait sans pitié, tout autour de nous déambulaient les jolies femmes des Alexandrins, telles des fantômes bien huilés. Darley, tu seras tout le temps dans mes pensées. Toi aussi. Si tu as besoin de moi, appelle et je serai là. Je sais. Guéris vite, Mélissa. Il faut guérir. Je t'attendrai. C'est un nouveau cycle qui commence. Il est déjà au fond de moi. Je le sens. Moi aussi. Les mots qu'emploient parfois les amoureux sont chargés d'émotions fausses. Seul leur silence ont cette cruelle précision que leur confère la vérité. Mélissa me serra dans ses bras et fit signe au chauffeur de taxi de partir. Balthazar disait que nous passions la coupe d'amour à la ronde. Ainsi, le matin du bal des cérémonies, la coupe empoisonnée était passée dans les mains de Leïla. Elle reçut une lettre de Mount Olive où il lui révélait l'amour qu'il unissait à une jeune femme dont il refusait de révéler pour l'instant le nom et l'identité. En fait, il s'agissait de Liza, la sœur incestueuse de Perse Warden. Mais il avait décidé de garder leur amour secret jusqu'à ce que la jeune femme le dise à son frère. La lettre de Mount Olive à Leïla se terminait par des mots de gratitude passionnée. Je vous bénis. Je vous remercie de toute mon âme. Grâce à vous, j'ai reçu le don précieux de l'amour, qui ne peut jamais échoir à ceux qui sont ignorants de ses pouvoirs. Dès qu'elle reçut la lettre de Mount Olive, Leïla se confia à son ami Balthazar. En recevant cette lettre, j'ai d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'une nouvelle passade. David ne me cachait jamais rien de ses amours. C'est cela qui rendait le nôtre si sincère, si indestructible en un sens. Mais lorsqu'il a refusé de me dire son nom, de la partager avec moi, pour ainsi dire, j'ai compris alors que tout était fini. Mais enfin, Leïla, vous saviez bien qu'un jour ou l'autre... Bien sûr. Dans un autre coin de mon esprit, j'attendais ce moment, depuis toujours. Et depuis toujours, je m'imaginais y faire face avec générosité. Je me suis aperçu, à ma profonde surprise, que c'était impossible. C'est pour cela que vous refusez de le voir. Évidemment. J'ai invoqué d'autres raisons, des raisons purement féminines. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'affronter avec un visage ravagé, non. Car en réalité... j'ai un cœur d'homme. Aussi étrange que cela paraisse, c'est ici seulement, dans ce désert, ce vide, ce promontoire brûlé par le soleil des Cyclades, que je peux appréhender l'histoire de mes amis et celle de la ville elle-même comme un seul et même phénomène. Ainsi, Perse Warden, dont la mort nous laissa désemparés et incrédules. Déjà, lors de notre dernière rencontre dans sa chère et hideuse chambre d'hôtel, je n'avais pas compris que cette odeur de moisi qui flottait autour de nous était l'odeur même de son suicide imminent. Ce fut Justine qui me prévint. Nessim l'avait envoyé chez moi avec la voiture et un billet que je ne lui laissais pas lire. Le message était elliptique, mais je songeais tout de suite à un suicide. Justine me précéda comme une folle dans l'escalier de cet hôtel lugubre que Perse Warden avait tant aimé et qu'il avait baptisé le Mont Vautour en raison, sans doute, de la nuée des prostituées qui s'agitaient aux alentours. Oui, voilà. Entre, Justine. Narlé, je suis arrivé trop tard. Il est... Oui, il est mort. Bonsoir, Dan. Réveille-toi. Réveille-toi, je te dis. Je t'en supplie. Respire, s'il te plaît. Dans la petite chambre étouffante, elle laissa échapper un long et pur gémissement qui cassa net, brisé par la nuit. Puis, elle se mit à uriner sur le tapis à petits jets spasmodiques. Je la pris par le bras et l'entraînai vers la salle de bain. Venez, Justine. Venez, doucement, doucement. Ne restez pas là. Bon Dieu, Nessim, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous effacez là, sur le miroir? Il ne faut pas que la police égyptienne découvre quoi que ce soit, je... Tous les miroirs portaient des inscriptions au savon à barbe. Nessim les avait déjà en partie effacées. Je ne pus lire que les lettres K-O-P-A-N-E. Allez, partons vite. Vite. Allez, vite, je vous dis. Nous quittâmes la pièce, tous les trois, en chancelant, et nous nous trouvâmes peu après dans l'atelier de la grande demeure des Rosnani, où les grandes toiles de mauvais goût nous calmèrent les nerfs et où quelques verres de whisky nous redonnèrent le courage de continuer à vivre. Justine garda le silence, un silence de mort. Maintenant, Nessim, allez-vous m'expliquer? Ne me demandez rien, Darley. Un jour, vous finirez par tout comprendre. Effectivement, Balthazar devait m'apprendre plus tard que cette nuit-là, avant de s'allonger pour la dernière fois sur son lit crasseux, Pursewarden avait téléphoné à Nessim d'une voix changée, empreinte d'une âpre résignation et chargée des splendeurs de la mort toute proche. C'est une question de vie ou de mort, comme on dit dans les livres. Oui, je vous en prie, venez immédiatement. Il y a un message pour vous dans un endroit approprié, sur le miroir. Nessim avait tout de suite pressenti un désastre. Sur le miroir de la chambre d'hôtel minable, parmi d'obscures citations à l'usage exclusif de l'écrivain, il trouva les mots suivants écrits en majuscules. Nessim, Cohen, Palestine, tout découvert et signalé. C'est ce message que Nessim avait en partie effacé lorsqu'il avait entendu nos voix dans l'escalier et Justine tambouriner à la porte. Lorsqu'on lui téléphona la nouvelle de la mort de Pursewarden, Montolive était dans le Delta, en visite officielle dans une usine à égrener le coton. Bouleversé, il n'en crut pas ses oreilles. On lui apprit que Pursewarden avait laissé une lettre cachetée à la cire qui devait lui être remise personnellement et sur laquelle il avait inscrit le mot « secret ». Il rentra en toute hâte à l'ambassade, mal à son aise et impatient de savoir. Il alla tout de suite ouvrir son coffre, d'où il tira l'enveloppe. Il en rompit les sceaux grossiers d'un pouce tremblant, puis il s'assit à son bureau. Allons-y, Pursewarden. Quelles sont donc les raisons de cette énorme faute de goût? Mon cher David, j'ai déchiré une demi-douzaine d'autres lettres pour tenter d'expliquer tout ceci, mais chaque fois, je versais dans la littérature. Il y en a bien assez comme cela. J'ai décidé d'en finir avec la vie. Je suis affreusement désolé, mon cher ami. Tout à fait par hasard, et d'une façon tout à fait inattendue, j'ai découvert que les théories de Maskelyne sur Nessim étaient justes et les miennes fausses. Je ne vous donnerai pas mes sources, mais je sais maintenant que, depuis un certain temps déjà, Nessim introduit des armes en Palestine. Je ne me sens pas de taille à faire face aux conséquences que cette découverte implique. Je sais ce qu'il me reste à faire, mais cet homme est mon ami. Donc, qui est tous? Ah, quel triste monde nous avons créé autour de nous. Les bouts de l'intrigue et de la contre-intrigue. Je sais que c'est là manquer au sens du devoir, mais j'ai laissé indirectement entendre à Nessim qu'il était soupçonné en haut lieu. Naturellement, une telle imprécision vous autoriserait à faire disparaître tout cela, à l'oublier purement et simplement. Je n'envie pas vos tentations. Pour ce qui est des miennes, elles ne valent pas qu'on s'y appesantisse. Je suis fatigué, mon cher ami, malade à en mourir, comme disent les vivants. Alors, voulez-vous dire à ma sœur que mes pensées sont avec elle? Merci. Votre ami affectionné, L.P. C'est de la folie. De la folie pure et simple. Personne ne se tue pour des motifs officiels. Et tout aussitôt, Mantolive eut envie de rougir de s'être laissé aller à une pensée aussi stupide. Pour la première fois de sa vie, son esprit se trouvait en proie au plus complet désarroi. Pour se calmer, il se força à lire lentement et méthodiquement le rapport du suicide, en détachant chaque mot, comme s'il s'agissait d'un exercice de lecture. C'était le récit des faits et gestes de Pierce Warden durant les 24 heures qui précédèrent sa mort. À 11 heures, au café à l'Actar, Balthazar a rencontré Pierce Warden, qui buvait un café et mangeait un croissant. Il venait de recevoir une lettre de sa sœur et il était en train de la lire d'un air préoccupé. À l'arrivée de Balthazar, il l'a brusquement rangée dans sa poche. Il paraissait hagard, il ne s'était pas rasé depuis la veille. Il lui dit d'avoir entrepris un nouveau livre entièrement consacré à l'amour. Puis il tomba sur quelque chose de curieux. Un testament écrit de la main de Pierce Warden, faisant de sa sœur son exécuteur littéraire et me léguant à moi, Darley, une somme de 500 livres à condition que je la dépense avec Mélissa. Je me suis d'abord dit qu'il était possible que Pierce Warden ait aimé Mélissa. Toutefois, après mûre réflexion, j'en arrivais à la conclusion que ce n'était pas elle qu'il aimait, mais l'amour que j'avais pour elle. De toutes mes qualités, il enviait ma capacité de répondre avec chaleur aux caresses dont il reconnaissait la valeur, mais qui lui seraient toujours refusées. La lettre de Liza à son frère? Mon Dieu, elle est là, elle aussi. Mon Ludwig, j'ai rencontré l'amour. L'amour fatal que tu m'avais prédit et dont moi, je ne voulais pas. Je n'ai jamais désiré me libérer de toi, tu le sais. Mais voilà, le sombre étranger dont tu m'avais annoncé la rencontre et dont tu voyais l'image dans les flammes de notre cheminée est entré dans ma vie. Tu l'as deviné tout de suite, mais je voulais attendre avant de te le dire. Il s'agit de David Mantolive. Abasourdi, Mantolive termina la lettre en hochant la tête, puis troublé, il la fourra dans sa poche. Il se passa la langue sur les lèvres et regarda le mur en fronçant les sourcils. Liza. Des larmes coulèrent doucement sur ses joues. Il comprit que Pierce Warden faisait à sa sœur le cadeau de sa mort pour qu'elle puisse enfin, totalement, renoncer à lui et commencer à vivre. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. 13e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leila, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, David Jesselson, Mount Olive, Thibaut Vincent, Pierce Warden, Garance Clavel, Mélissa, Juliette Roudet, Liza, et la voix de Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Suger.